Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. 42 heures que vous êtes à l'écoute, eh bien bravo. Alors ce soir, l'émission, c'est le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, tout d'abord, le calendrier, bien sûr. Et puis, Alma Dufour, arrêtons de nous plaindre, tout va bien en France. Hein. C'est quelqu'un de la France insoumise qui parle comme ça. Hein. Ah ben oui, oui, ça remonte le moral quand même. Hein. Ensuite, bien vieillir, une loi en trompe-l'œil, réforme des retraites, Caroline Fiat. Eh oui, elle nous dit les choses, Caroline. Une réforme des retraites, conférence NUPES, conseil constitutionnel. Ensuite, docteur Didier Raoult, 2020. Je fus prêtre, je suis athée, dit quelqu'un d'autre. Ensuite, pédagogie freinée à l'école ou à la vie. Et puis, rencontre avec Henri, le paysan libertaire. Vous allez voir, il vous dit ce qu'il pense. Et puis, une petite revue de presse. Une histoire, en finir avec la honte, le billet de Sophia Aram. Et puis, ce sera tout pour ce soir. Thank you. Calendrier des esclavages et des libérations du 24 avril. Alors, le 24 avril 1915, par exemple, en Arménie, Turquie, arrestation de 650 intellectuels et notables arméniens marque le début du premier génocide du siècle. 1 500 000 personnes, hommes, femmes et enfants, sans distinction, seront massacrés sans pitié. Les autres seront dispersés dans un gigantesque et terrifiant exode. C'est ainsi qu'à la faveur de la guerre, le gouvernement turc cherche à résoudre le problème de la minorité arménienne. Eh oui, en organisant de la migration. Ah oui. 1916, Suisse. Pendant la Première Guerre mondiale, la conférence internationaliste de Kintal déclare « Le prolétariat doit demander une action vigoureuse dont le but est le renversement de la domination capitaliste. Le prolétariat doit demander une action vigoureuse dont le but est le renversement de la domination capitaliste. » C'était en Suisse en 1916. 1933, Espagne. Le journal Solidaridad Obrera est suspendu jusqu'au 6 octobre 1934. Il le sera encore à 3 reprises, dont une fois pour 104 jours. C'est important, les journaux, pour façonner l'opinion. Eh oui, nous autres les Français, on vote bêtement depuis un siècle et demi, deux siècles. Ben, à cause des journaux. Eh oui. De ceux qui travaillent dedans, qui sont aux ordres. Qui seront aux ordres. 1946, France, nationalisation des grandes compagnies d'assurance et des houillères. 1948, Tchécoslovaquie, nationalisation des entreprises de plus de 50 ouvriers. Ah oui, c'était en Tchécoslovaquie, c'était en 1948. 1971, USA, 500 000 personnes manifestent pour la paix à Washington. C'est la manifestation la plus importante depuis le début de la guerre du Vietnam. Eh oui, le Vietnam, les USA, ils ont fait la guerre un peu partout pendant un siècle. 1972, Madagascar, la grève se généralise à l'ensemble de l'université et aux lycéens. 1973, Chine, les syndicats chinois, mis en veilleuse pendant la révolution culturelle, reprennent leurs activités. 1977, Colombie, grève des ouvriers du complexe pétrolier de Barranca Bermeja. Thank you. je voudrais revenir quand même sur quelque chose qui m'étonne beaucoup depuis hier, c'est qu'à vous entendre vanter vos performances économiques, à vous entendre, tout va bien en France. Tout va bien en France, c'est la plus grosse crise du pouvoir d'achat depuis 40 ans, mais tout va bien en France. Un étudiant sur trois ne mange pas à sa faim, mais tout va bien en France. Il n'y a jamais eu autant de Français à la banque alimentaire, mais tout va bien en France. Vous vantez de créer de l'emploi, mais le halo du chômage est toujours aussi important. Deux tiers de ces créations sont dans l'apprentissage. Mais surtout, vous nous parlez des petits commerçants avec l'amour à la bouche. Vous étiez où la semaine dernière pour les protéger de la crise énergétique, alors que des dizaines de milliers d'emplois sont menacés par la faillite parce que vous préférez Total Energy aux PME de ce pays? Mais tout va bien en France. Notre système de santé s'effondre. Une centaine de personnes sont décédées dans le couloir d'attente des urgences en décembre. Mais tout va bien en France. La France n'a jamais été aussi endettée et les dividendes n'ont jamais été aussi élevés. Et tout va bien en France. Vous cachez derrière votre pensée complexe. Mais moi, j'aimerais bien comprendre, alors que les gens sont de plus en plus pauvres et souffrent de plus en plus, que vous leur demandez 2 ans de sacrifice en plus. Mais juste, est-ce que vous trouvez ça juste? Est-ce que vous trouvez ça juste? C'est ça qu'on attend de vous comme réponse aujourd'hui. Est-ce que, monsieur Attal, vous trouvez ça juste? Alors qu'on a battu des records historiques de dividendes, qu'on en soit là aujourd'hui en France. Merci de nous répondre. Monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mesdames les rapporteurs, chers collègues, en lisant le titre de cette proposition de loi, mes yeux se sont illuminés. Enfin, nous allions parler de nos aînés. Enfin, vous vouliez mettre à l'ordre du jour une loi sur les personnes âgées. Enfin, nous allions pouvoir retranscrire concrètement les propositions de tant de rapports et remédier à une situation scandaleuse de maltraitance institutionnelle, pour ne pas dire gouvernementale. Alors, quelle déception ! Nous avons un texte avec tout un tas de petites mesures bien loin de répondre aux enjeux. Même la défenseure des droits évoque que cette proposition de loi est un piètre substitut à la loi Grand Âge qu'on nous avait promise. Décidément, feu la loi Grand Âge tant attendue, devrions-nous nous en étonner ? À des réalités humaines incroyablement difficiles, vous répondez « bureaucratie, conférence, rapport ». Vous énoncez de grandes phrases que vous espérez suivies des faits. L'action sociale s'inscrit dans la prévention et la lutte contre les maltraitances, la belle affaire. Croyez-vous que les personnels veulent maltraiter leurs résidents et patients et qu'ils ont besoin d'une leçon de morale ? Non, certainement pas. Chacune et chacun aimerait pouvoir faire son métier correctement. Il ne s'agit pas de promouvoir la bientraitance, mais de se donner les moyens d'éradiquer la maltraitance. Alors, où sont les 210 000 personnes dont nous avons besoin de toute urgence ? Où est la mise en place du ratio de soignants auprès de chaque résident ? Il est aujourd'hui réclamé, y compris par la défenseure des droits. Dans le rapport Fiati-Bora, il y avait 30 autres propositions que vous passez encore sous silence. Vous ne reprenez aucune idée et à la place, vous inventez, par exemple, un dispositif d'alerte qui va culpabiliser et mettre en cause individuellement les personnels, alors que c'est tout le système, pour ne pas dire le gouvernement, qui est défaillant. Vous feignez de déplorer les conséquences de ce que vous avez vous-même créé. Un marché de la santé, un marché de la dépendance. Les mesurettes que vous proposez aujourd'hui n'y changeront rien. Malheureusement pour vous, s'occuper des plus fragiles n'est pas rentable. Par conséquent, seul le strict minimum est mis en place, mais toujours aucun moyen technique, aucun moyen humain et aucun moyen financier supplémentaire. Toujours rien pour éviter que les actionnaires se gavent sur le dos de nos aînés. À croire que le principe de l'or gris que les privés lucratifs ont mis en place ne vous pose aucun problème. Par conséquent, nous vivons dans un pays où les personnes âgées sont maltraitées en EHPAD, délaissées à domicile. Souvent, tout cela fait reposer sur les aidants une charge dont ils s'occupent avec tant d'abnégation. En EHPAD, à l'hôpital, pour les aidants, il y a tant à faire pour que chacune et chacun puisse vieillir dignement. Face au scandale de la maltraitance, à la pénurie de personnel et à la perte de sens de notre métier, vous répondez « logique gestionnaire, sanction, responsabilité individuelle ». Pour clôturer le tout, vous osez l'hypocrisie ultime de parler du bien vieillir en pleine séquence sur les retraites. Votre exposé des motifs affirme que bien vieillir, c'est vivre plus longtemps en meilleure santé. Cet énoncé est grotesque lorsque l'on sait que vous souhaitez en même temps passer en force une réforme qui va contraindre les gens à travailler plus longtemps avec tout ce que cela comporte de décès supplémentaires, de maladies et de précarité. Nous avons bien pris en compte les nouveautés de la Commission ainsi que les amendements proposés par le gouvernement. Cependant, sans aucune garantie d'effectivité, ces potentielles avancées ne sont qu'un trompe-l'œil. On en a l'habitude. Décidément, rien ne va s'arranger pour nos aînés. Et je le dis ce soir, avec de la colère dans la voix. Ce texte est vide. Il est un faux espoir très vite démasqué qui montre une fois de plus, une fois de trop, à quel point les personnes âgées ne sont pas votre priorité. Depuis juillet 2017, je vous ai alerté. Depuis mars 2018, le rapport est entre vos mains. Trouvez-vous digne de continuer à maltraiter nos aînés, eux qui souvent nous ont tout apporté. Je vous remercie. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc la décision, vous l'avez vu, du Conseil constitutionnel vient de tomber. Alors venant du Conseil constitutionnel, on ne s'attendait à pas grand-chose, mais même en ne s'attendant à pas grand-chose, on arrive quand même à être déçu, puisque la décision du Conseil constitutionnel valide en grande partie la réforme des retraites. Et d'ailleurs, c'est intéressant à regarder, hein, valide une partie des cavaliers que nous avions dénoncés dans l'Assemblée, qui étaient des sortes de faux semblants, de fausses contreparties sociales. Je pense notamment à l'article 2 et à l'article 3, qui, eux, ont été censurés et qui rendent un texte encore plus dur que ce qu'il n'était. Alors évidemment, avec l'ensemble de la NUPES, nous regrettons cette décision. D'abord parce que je crois que nous avons eu des arguments juridiques qui étaient solides pour demander la censure totale de ce texte et invalider une procédure parlementaire qui a multiplié les passages en force et n'a pas permis de garantir la sincérité des débats. Et nous sommes inquiets des précédents dangereux que cela va créer avec demain des gouvernements qui pourraient être autorisés à utiliser l'ensemble des outils antiparlementaires de la Ve République, 47.1, 44.3, 49.3, et d'utiliser des budgets rectificatifs pour faire passer des réformes de fond, ce qui, je crois, est extrêmement dangereux. Surtout, cette décision démontre à quel point les institutions de la Ve République permettent la décision d'un homme seul contre l'ensemble d'un peuple et nous font d'autant plus militer et prôner le passage à une Sixième République et la convocation d'une assemblée constituante, idée qui en sort évidemment renforcée. Alors, ceci étant dit, que la loi soit jugée constitutionnelle ne fait pas que notre opposition faiblit contre cette réforme des retraites à 64 ans. Et je veux que partout soit entendu ce message. Si la loi est jugée constitutionnelle, cela ne change rien sur le fait que nous pensons toujours et nous continuerons de penser et de redire que cette loi est injuste et inutile. Et après 3 mois de la mobilisation la plus puissante que nous ayons eue depuis 50 ans dans ce pays, le blocage du pays reste, après cette décision, absolument total et l'impasse démocratique de même. Vous avez vu aujourd'hui, que ça soit par bateau, par camion ou autre, à chaque fois que le président de la République, ses ministres, sa première ministre ou les parlementaires sortent, ils sont interpellés sur cette question. Et nous le disons, cette réforme des retraites va empoisonner durablement le quinquennat d'Emmanuel Macron s'il continue à vouloir persister sur cette question. Alors, bien sûr, du côté de la NUPES, nous continuerons à aller soutenir l'ensemble des mobilisations, l'ensemble des grèves, notamment financièrement et aussi par notre présence, évidemment. Nous nous tiendrons aux côtés de l'intersyndicale pour dire que plus que jamais, nous continuons le combat et nous appelons solennellement le président de la République à ne pas promulguer cette loi, parce que s'il promulgue cette loi, comme le dit l'intersyndicale elle-même, alors le président de la République ne pourra plus gouverner ce pays. Et nous avons notamment proposé que l'article 10 de la Constitution soit utilisé, qui permet, avant la promulgation de cette loi, de faire repasser par un vote à l'Assemblée, ce qui nous a été volé. En tout cas, la mobilisation continue plus que jamais et nous ne laisserons pas cette réforme continuer son chemin. Et nous demandons toujours au président de la République à la fois de ne pas la promulguer, de la retirer ou de retourner devant le peuple, parce que, je le dis, nous sommes dans une impasse dans laquelle ils nous ont mis et ce n'est pas cette décision du Conseil constitutionnel qui fera changer d'avis un peuple tout entier bien déterminé à ne pas laisser passer cette réforme des retraites à 64 ans. Bonjour à tous. Bon, nous venons d'apprendre effectivement la nature de la décision du Conseil constitutionnel. C'est une déception, ça n'est pas une reddition. Une déception parce qu'évidemment, nous pensions que tous les motifs étaient réunis pour une censure totale, et notamment l'utilisation du 47-1, qui est un détournement de procédure selon les motifs que nous avons nous-mêmes remis au Conseil constitutionnel, mais qui ne nous a pas suivis. Je veux reprendre ici les mots de Robert Badinter, qui a présidé aux destinées de ce Conseil, et rappeler ce qu'est une décision du Conseil constitutionnel. Toute loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais toute loi mauvaise n'est pas nécessairement anticonstitutionnelle. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes face à une loi qui est mauvaise, qui est injuste, qui est illégitime au regard de ce que les Français répètent semaine après semaine, dans la rue, dans les sondages, l'absence de majorité au Parlement pour adopter cette réforme. Et donc cette loi est mauvaise, même si, juridiquement, constitutionnellement, elle a été jugée, validée par le Conseil. Le Conseil n'a jugé qu'en droit, donc il a jugé de la procédure et il a jugé de la constitutionnalité du texte. Ça ne veut pas dire donc que cette loi est juste. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être combattue. Et elle sera encore combattue. Nous souhaitons que, dans sa sagesse, si le président peut faire preuve une fois dans ce quinquennat de sagesse, qu'il se rappelle de ce que fut la décision du président Chirac sur le CPE et qu'il s'abstienne de promulguer le texte validé. Il peut aussi, comme ça lui a été suggéré par l'intersyndicale, utiliser l'article 10 de la Constitution, puisqu'il y a une censure partielle, revenir devant le Parlement et demander à ce que le Parlement vote sur le texte. Il n'est pas certain que le président m'entende. Donc, malgré tout, nous allons prendre nos propres précautions et continuer le combat sous d'autres formes. Je pense d'abord aux Françaises et aux Français, qui depuis des mois manifestent et ont perdu une part de leur salaire, ont mis tous leurs espoirs dans cette mobilisation et ce soir doivent être très déçus, eux aussi, de cette décision. Mais je leur dis que le combat ne s'arrête pas là, qu'il prendra d'autres formes. Il y a d'abord un deuxième RIP qui a été déposé hier soir et qui donc doit attendre là aussi une décision du Conseil constitutionnel dans la durée d'un mois. Et nous verrons d'abord quels sont les motifs qui ont permis d'invalider le premier. Nous en tiendrons compte pour éventuellement déposer aussi un troisième RIP s'il le faut, mais nous ne lâcherons pas et nous ferons tout ce qu'il faut pour que les Français aient le droit à la parole et qu'un référendum soit rendu possible par leur mobilisation. Si d'aventure le président promulguait, nous ferons en sorte, les uns et les autres, ensemble, de déposer une proposition qui permettra un vote à l'Assemblée sur ce qu'est aujourd'hui l'article 7 de la loi. Nous proposerons tout simplement une proposition de loi qui abrogera l'article 7, qui abrogera le passage à 64 ans, et ce sera le cas d'aventure si, évidemment, il y a promulgation. Pour l'instant, je ne veux pas anticiper, et je veux croire à la sagesse du président, mais si tel était le cas, nous ne sommes pas complètement démunis. Il y a une majorité au Parlement pour dire non. Eh bien, s'il le faut, nous utiliserons cette arme-là aussi, et nous ne lâcherons rien. Et j'ajoute enfin, même si nous n'avons pas parlé entre nous, mais que même s'il n'y avait pas de RIP, nous pouvons là aussi lancer ensemble une vaste pétition avec l'intersyndicale et faire en sorte que les Français expriment, en dehors de toute procédure, leur volonté d'un référendum. Et manifester, comme c'est le cas visiblement dans les sondages, le fait que plusieurs millions de personnes demandent à ce qu'on leur rende la parole pour qu'ils puissent enfin exprimer leur choix librement. Voilà. Vous l'aurez compris, donc je me répète, mais la déception n'implique pas la reddition. Et donc nous allons continuer à nous battre. Nous ne lâcherons rien. Merci. Bon, ça a été dit. Je le répète, mais le Conseil constitutionnel a rendu un avis qui rend cette loi encore plus dure et plus brutale pour les Français qu'avant l'avis du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'en supprimant tous les cavaliers sociaux de la loi, il n'en applique que la partie comptable, la partie la plus dure, c'est-à-dire les 2 ans de plus. Et le fait aussi que nous puissions, par exemple, ponctionner sur certains fonds, et notamment l'Agirc-Arrco, pour d'autres problématiques que celles de l'équilibre du système de retraite. Donc en fait, là, la situation sociale est presque pire qu'avant l'avis du Conseil constitutionnel. Nous regrettons, au nom du groupe écologiste, que vraiment il n'y ait pas eu de prise en compte d'une forme d'esprit de la loi, d'esprit de la démocratie, qui aurait nécessité de comprendre que le Parlement est un outil majeur dans une réforme de cette ampleur et qu'on ne peut pas passer par des arguties ou par des astuces contre le débat parlementaire et notamment pas sur un PLFSS rectificatif alors que le PLFSS a été voté quelques semaines avant et a été adopté quelques semaines avant par 49-3. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact. Et aujourd'hui, en France, ne pas faire une loi de cette ampleur sans étude d'impact, c'est mettre les personnes immédiatement en danger, et particulièrement les femmes qui vont payer le plus lourd tribut dans cette réforme. Je voudrais dire qu'au nom de la NUPES et à notre initiative, nous allons envoyer un courrier au président de la République pour que l'article 10 de la Constitution puisse être déployé et qu'il repasse par le Parlement pour, avant la promulgation de sa loi, pour faire voter et pour montrer qu'il n'y a pas de majorité au sein du Parlement pour voter cette loi. Évidemment, l'espoir qu'Emmanuel Macron entende que quelque chose se passe derrière les fenêtres de l'Élysée et pas uniquement sous les ors des salons privés de Matignon et de l'Élysée est ténu, mais nous espérons quand même qu'il entende la fureur qui s'exprime, les cris qui s'expriment du peuple contre cette réforme des retraites. Enfin, dire quand même qu'avec la NUPES, nous continuerons absolument toutes les formes de mobilisation, puisque ça n'est pas parce qu'une réforme est adoptée et qu'elle est constitutionnelle qu'elle n'en est pas moins illégitime sur le plan politique et de la justice sociale. Et c'est au nom de cela que nous soutiendrons toutes les actions menées par l'intersyndicale dans les jours et les semaines qui viennent. Bonjour à tous et à toutes. Moi, dans le prolongement de ce qu'ont dit mes collègues et camarades, on n'est pas... est très étonné de la décision du Conseil constitutionnel quand on sait ce qu'est le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, je profite pour rappeler ici qu'en 2019, j'avais, avec mon groupe, déposé une proposition de loi pour en modifier la composition de son Conseil, qui est étroitement politique dans sa composition. Il y avait beaucoup de motifs pour juger... anticonstitutionnel ou non constitutionnel, plus exactement, cette loi. Ça a été dit, la forme des débats, le recours au véhicule législatif d'une loi de finances rectificative, le 49-3, le raccourcissement des délais de débat au Sénat. Enfin bref, beaucoup de sujets pouvaient légitimement provoquer une censure totale du texte. Et d'ailleurs, beaucoup de constitutionnalistes pensaient qu'il pouvait y avoir matière à une censure totale du texte. Et ça n'a pas été le cas, loin s'en faut, puisque seul un certain nombre de cavaliers sociaux ont été assurés. On attend les explications sur le refus du RIP, qui est quand même... Bon, on verra les arguments qui nous seront donnés. Et on verra si, en fonction de ces arguments, le deuxième RIP qui a été déposé a ses chances d'aboutir. Mais comment... Imaginez que dans un pays où vous avez plus des trois quarts des Français, c'est encore confirmé dans un sondage dans le Figaro ce matin, qui veulent s'exprimer, qui veulent avoir la parole sur cette loi des retraites qui est jugée très injuste par l'immense majorité de nos concitoyens, comment imaginer qu'on puisse diriger un pays démocratiquement sans consulter le peuple quand il y a un tel niveau d'exigence de consultation par voie de référendum? Le pays va pas se ranger et va pas rentrer chez soi après la décision du Conseil constitutionnel. Bien au contraire, les mobilisations vont se poursuivre. On verra ce que décide l'intersyndicale. Mais en tout cas, nous allons rester unis, et l'intersyndicale aussi, je l'espère, pour continuer de combattre cette réforme des retraites par des voies de pétition. Si le deuxième RIP n'est pas obtenu par les manifestations, par le blocage du pays. Mais enfin, qui peut imaginer, alors qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore fêté le premier anniversaire du quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'on va continuer comme ça longtemps avec un président de la République qui peut plus les mettre les pieds dehors en France. Ce matin, il a dégagé tout le parvis de Notre-Dame pour aller à Notre-Dame. Il a eu un bateau sur la Seine qui lui a rappelé son hostilité à la réforme des retraites. Moi, je suis député de Saint-Denis, comme Éric Coquerel. On est très impatients tous les deux de savoir s'il sera au Stade de France le 29 avril pour la finale de la Coupe de France. Il n'a pas pu venir l'autre jour au match. Il peut plus mettre un pied dehors. Dans ce pays, il n'y a qu'à l'étranger où il peut s'exprimer encore. Aux Pays-Bas, ça pourrait être extrêmement probant. Mais il peut aller en Chine, voilà. En Chine, là, il est sûr de ne pas être gêné. Enfin, c'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Alors, il y a des possibilités. Ça a été dit. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit les uns et les autres. Il peut ne pas promulguer la loi par sagesse. Il peut se référer à la sagesse de Jacques Chirac. C'est nous qui le disons. Ici, au moment du CPE, il peut aussi faire valoir l'article 10 pour nous refaire voter. Ça a été dit, je ne vais pas répéter. Mais en tout cas, En aucune manière, la décision du Conseil constitutionnel aujourd'hui marque un coup d'arrêt à la mobilisation sociale et à la mobilisation politique qui est la nôtre pour s'opposer à cette réforme injuste. Et elle se poursuivra sous les formes qu'on décidera ensemble. On est loin d'être au bout de cette affaire. Oui, je veux bien ajouter deux petites choses. J'avais dit à un d'entre vous il y a quelques jours que j'avais un espoir pessimiste dans ce qui pouvait arriver ce soir. Espoir parce que sur le papier, je pense qu'on avait tous les arguments juridiques pour que cette loi soit retoquée. Pessimiste parce que je regardais quand même la composition du Conseil constitutionnel. Bon. Donc la décision est tombée. Je dois dire que il y a une troisième crise qui est en train de s'ajouter à celle existante. La crise sociale, elle va continuer. La loi est tout aussi injuste et va très certainement mobiliser très fortement contre elle dans les jours à venir. L'intersyndicale l'avait dit ces jours-ci. La crise politique, elle est évidente. Ça ne donne pas de majorité politique parlementaire au président de la République, à l'Assemblée nationale. C'est même pour ça, d'ailleurs, qu'il avait utilisé le 49-3. Et on peut penser là aussi que dans les jours, les semaines à venir, il est bien des difficultés à faire passer quelques textes qui soient. Mais il y a une troisième crise ce soir qui s'est accrue, c'est la crise de régime. Parce que le Conseil constitutionnel ait décidé désormais que par un outil législatif fait pour corriger un budget dans l'année en cours, et de manière, j'allais dire, à partir du moment où la correction est nécessaire quelque part pour les intérêts vitaux de la nation, qu'il ait décidé d'utiliser, qu'on puisse désormais utiliser cet outil législatif pour faire passer des lois qui ne concernent pas le budget en cours, et qui concerne avant tout des réformes sociales, ce que les personnes qui étaient à l'origine du projet de loi de finances rectificative, c'est-à-dire par exemple en 96, le ministre Barrot avait totalement exclu, c'est évidemment extrêmement problématique pour l'avenir, parce qu'on peut se dire que dans l'avenir, n'importe quel gouvernement pourra utiliser cet outil législatif pour faire passer des réformes contre le Parlement. Bon. Donc on a là, j'allais dire, une crise de régime de la Ve République qui s'accroît, et avec une distanciation et une critique toujours plus forte, à mon avis, de la population vis-à-vis de ces institutions. Donc cette crise sociale, cette crise politique et cette crise constitutionnelle ne va pas, j'allais dire, calmer les ardeurs de tous ceux qui sont opposés à cette réforme. Tout à l'heure, Olivier Faure et d'autres ont énuméré toutes les batailles devant nous, et on va les mener. Mais à la fin du fin... il y a une autre, la guerre sera pas gagnée, parce que nous abrogerons cette réforme, quoi qu'il en soit, et donc elle ne sera pas appliquée. C'est ça qui arrivera à la fin. Soit nous gagnerons les batailles à venir, article 10, RIP et autres, soit de toute façon cette réforme sera appliquée, parce que nous ne lâchons rien, c'est vraiment notre devise. Vous voyez à quoi je fais référence. Je vais préciser pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi ce qui a été décidé par le Conseil constitutionnel, ce que le doyen Rivero qualifiait comme un moyen de filtrer le moustique tout en laissant passer le chameau. L'article 2, c'est l'index senior qui saute. L'article 3, c'est le contrat d'embauche senior exonéré de cotisations sociales. L'article 6, c'est l'annulation de la réforme du recouvrement de certaines cotisations sociales, notamment Agirc-Arrco. L'article, le 6e paragraphe du 3 et le 18e paragraphe de l'article 10 sont la comptabilisation des périodes dans les métiers pénibles de la fonction publique en tant que contractuel pour les services actifs et superactifs. Le 7e du A du paragraphe 3 de l'article 17, c'est la création d'un suivi spécifique pour les salariés dans les métiers pénibles avec visite de mi-carrière et visite médicale. L'article 27, c'est le rendez-vous de conseil sur leur carrière pour les carrières hachées. Vous voyez ici que ce qui a sauté, c'est le salé. C'est le sucré, pardon. Il ne reste que le salé, ce qui rend évidemment, et ce que nous avons toujours dit, la potion plus qu'amère. Et si on pouvait dire qu'il s'agissait de moustiques filtrés, moi je considère que c'était, nous considérons collectivement que c'était des mesures qui étaient pour la plupart bienvenues et qui, sont rendues comme des cavaliers législatifs. Malheureusement, le chameau, lui, continue de courir. Et donc, nous continuerons nous-mêmes la bataille. Moi, je l'ai dit, oui. Écoutez, vous savez, premièrement, pour bien montrer qu'à un moment donné, on n'est pas dans un système où on sort du bocal des sages qui jugeraient en toute objectivité uniquement par rapport à des aspects juridiques, vous savez comme moi que la décision du Conseil constitutionnel se prend à la majorité et que nous ne saurons que dans 25 ans qui a voté quoi. À partir du moment où il y a un vote, ça veut bien dire qu'il y a une interprétation des textes et de la Constitution par rapport à des considérants qui, inévitablement, sont ceux des personnalités autour de la table. Et c'est vrai que se pose très certainement, au-delà d'autres défauts de la Ve République, un défaut qui est le mode de désignation des sages qui composent ce Conseil. Voilà, chacun sait que c'est le président de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée, là c'était le président en l'occurrence pour certains d'entre eux par le passé, le président du Sénat, Emmanuel Macron. Je ne crois pas que l'appartenance politique soit complètement n'influe pas sur le choix des sages. Et je pense que c'est aussi très certainement une réforme à entrevoir de savoir quel est le mode de désignation des sages. Donc c'est pour ça que, et on l'a connu d'ailleurs également par le passé, c'est pour ça que il y avait l'aspect objectif, je vous le parlais tout à l'heure d'espoir, il y avait l'aspect subjectif et politique, c'était le pessimisme que j'avais et ça malheureusement s'est confirmé. Parce qu'encore une fois, j'étais avec Sandrine, on faisait partie des 10 qui avons présenté les arguments de la NUPES, mais aussi Charles de Courson, qui est quand même pas un perdant de l'année d'un point de vue constitutionnel. Je vous assure que si vous regardez bien les arguments, on avait 10 fois de quoi retoquer cette loi. Donc nous estimons qu'il y a une décision qui n'est pas seulement constitutionnelle qui a été prise. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'autres constitutionnalistes qui sont de cet avis. Alors d'abord, sur la proposition de loi. En fait, c'est une proposition très simple, hein, puisqu'elle revient juste à abroger le passage de 62-64 ans. Et donc cette proposition de loi, elle peut être à tout moment débattue dès lors qu'il y a une niche parlementaire qui le permette. Bon, ça, on verra à quel moment on la dépose. On va en discuter entre nous. Mais il n'y a rien de plus simple. Sur la mobilisation, bon là, je suis pas le seul à pouvoir vous répondre. Et ça ne dépend pas d'ailleurs que de nous. Ça dépend d'abord des femmes et des hommes qui, depuis de longs mois, ont sacrifié une part de leur salaire et sont venus manifester des jours où ils auraient dû travailler. Et donc c'est évident que quand vous êtes dans un moment où l'inflation galope, parce qu'on parle en ce moment des retraites, mais enfin on pourrait aussi assez largement parler du pouvoir d'achat, c'est assez logique que des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est faible, et c'est d'abord ces métiers-là qui sont visés par la réforme, eh bien à un moment finissent par trouver l'addition un peu lourde. Et quand ils ont en face d'eux un président de la République qui continue à croire qu'il est Jupiter, et c'est forcément parfois un peu décourageant. Et c'était exactement l'objectif poursuivi par Emmanuel Macron qui, depuis le démarrage, joue le pourrissement du mouvement et joue la lassitude, la résignation. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que nous étions déçus, mais nous n'étions pas dépités et que nous étions dans la déception, certainement pas dans la reddition. Donc nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. Et c'est la raison pour laquelle on vous parle encore du deuxième RIP, qu'on vous parle d'une pétition potentiellement si le RIP n'était pas validé, que l'on vous parle de l'article 10, que l'on vous parle de tout ce qui permettra encore dans l'arsenal juridique et dans l'arsenal politique de faire plier le gouvernement. Donc nous ne sommes pas au bout et le président surtout n'est pas au bout de ses peines. Qu'il ne s'imagine pas que les Français vont d'un seul coup passer à la séquence suivante. On sait bien que c'est le rêve qu'il formule à voix haute. Mais en fait, ça a été dit avant moi par tout le monde. Il n'y a plus un déplacement qu'il réalise sans qu'ils soient interpellés, sans que la Première ministre soit interpellée. Comment compte-t-il faire ? Est-ce qu'il croit vraiment que les gens vont oublier demain matin ce qui s'est passé la veille ? Non, personne n'oubliera. Et donc nous allons continuer et nous allons mener campagne encore. Et n'imaginez pas que nous arrêterons les mobilisations, les meetings. Nous irons, nous continuerons à expliquer dans l'ensemble du territoire et du plus petit village à la plus grande ville. Nous irons continuer à expliquer ce que nous croyons juste. Parce que ce qui s'est joué en ce moment, ça n'est pas d'ailleurs simplement la question des retraites. C'est la place du travail. C'est la façon dont nous concevons notre rapport à la vie, à l'existence. Comment est-ce que nous concevons le grand âge? Tous ces débats que le président a voulu écarter. Cette semaine encore, sur le grand âge, d'ailleurs, vous avez vu que la proposition de loi indécente et indigente présentée par la majorité relative, on voit bien que sur ces sujets-là, il n'y a absolument aucune vision de leur part et que la seule chose qui les guide, c'est une vision comptable. Eh bien, nous ne sommes pas des comptables. Nous avons vocation, avec l'ensemble de la gauche et des écologistes, à marquer un certain nombre de ruptures par rapport à l'ordre existant, dire que, par exemple, on peut mettre plus d'argent sur nos retraites, ça n'est pas un scandale. Ça n'est pas une folie par quelle est la règle d'or qui nous serait imposée, qui dirait par exemple qu'on doit mettre 14% du PIB sur la question des retraites. Moi, je ne sais pas pourquoi ce ne serait pas 15 ou 16. En Italie, c'est 16, par exemple. Donc pourquoi 14? Quelle est la règle qui nous serait... On a l'impression qu'il y a une espèce de règle divine qui s'impose à tout le monde en permanence. Mais non, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est celle de la volonté du peuple français qui se donne ses propres... qui fixe ses propres choix. Et c'est bien la raison pour laquelle nous plaidons depuis des mois, parallèlement à l'abandon de cette réforme, pour dire que si le président de la République veut avoir l'avis du peuple français, qu'il lui demande, qu'il dissolve. Nous n'avons pas peur de la dissolution. Et s'il ne veut pas dissoudre, qu'il envoie ça, qu'il renvoie ça vers un référendum. Et on verra bien, alors, s'il a été élu sur cette réforme-là, puisque c'est ce qu'il prétend. La vérité, vous la connaissez. Juste un tout petit complément, pardon, mais pour dire quand même que le gouvernement savait exactement que des articles étaient des cavaliers sociaux. Et en fait, tout ce qu'ils nous a vendu comme pommade pour faire passer ce texte, parce que c'était de la pommade qu'ils nous ont vendu pendant des semaines et des semaines, en fait, ils savaient qu'ils étaient inconstitutionnels. L'article 2 sur l'index, dont on savait aussi l'indigence, mais... Ça faisait partie des avancées sur lesquelles ils se positionnaient pour dire « Regardez, ça n'est pas qu'une loi comptable ». Ils savaient que c'était inconstitutionnel puisque tous les constitutionnalistes le disaient. Donc en fait, il y a vraiment eu un jeu de dupes dans ce débat sur les retraites. Mais sauf que les Français ne sont pas dupes, ils comptent les mois et ils continuent à compter leurs pas dans la rue, je pense. C'est le président de la République qui a fait une affaire personnelle de ce passage des réformes des retraites, qui aujourd'hui est dans une surdité de son peuple, vis-à-vis de son peuple, qui met aujourd'hui la cohésion sociale en danger, véritablement. Je rappelle que les retraites, par exemple, dans le texte de loi, nous avons bataillé pour qu'il y ait des amendements acceptés pour encadrer les retraites chapeaux. Ça n'a pas été possible, alors que les AESH, elles, devront faire 2 ans de plus. Quelle est cette société? Quelle est cette société? Et pourquoi renvoie-t-on au peuple la violence, alors que la violence, elle vient de l'Élysée aujourd'hui? On ne l'a pas dit, on l'avait tous à l'esprit, mais il va y avoir un grand rendez-vous social. C'est le 1er mai. Et le 1er mai va être énorme. Et ce sera un 1er mai unitaire, ce qui n'est pas arrivé déjà depuis un certain nombre de temps. Et ça va être un 1er mai unitaire sous le signe du combat contre la réforme de retraite. Et là, nous allons avoir des 1er mai massifs dans toutes les villes de France, comme on ne l'a pas vu depuis... des décennies. Et pas la peine de grands débats ou de conventions citoyennes. Ça ne marchera pas. Non, juste pour dire que c'est quand même toujours un peu particulier de nous renvoyer à la question de la violence. Nous n'avons jamais appelé à la violence et nous l'avons toutes et tous condamnée. Malheureusement, quand vous avez un président de la République qui s'obstine alors qu'une majorité immense de Français lui font face et lui disent « on ne veut pas de cette réforme », il y a des gens qui poussaient à bout, ou d'autres cherchant à utiliser cette exaspération pour en faire un instrument de leur revendication, eh bien, poussés par leur colère, finissent par avoir des gestes qui sont parfois des gestes désespérants autant que désespérés. Mais ce n'est pas, le chaos, qui le cherche? Moi, je crois même que, à de multiples reprises, le pouvoir vous a montré qu'il cherchait à lui-même installer un face-à-face qui permet de dire que l'ordre, c'est lui, et le chaos, c'est les autres. Voilà. Et donc, il y a quelque chose là aussi de profondément malsain et que nous serions encouragés. Et nous rappelons à toutes et tous que, évidemment, nous sommes pour des manifestations pacifiques. Thank you. Le jury du Grand Prix scientifique Louis D a décidé cette année de consacrer des recherches portant sur de grands ensembles microbiens étudiés par des techniques désormais accessibles, pour ne pas dire familières, fondées sur le séquençage du génome. Le prix est partagé entre Didier Raoult, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, et Chris Bauler, chercheur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Didier Raoult est docteur en médecine de l'Université d'Aix-Marseille et docteur en sciences de l'Université de Montpellier. Il dirige à Marseille un grand centre, CNRS INSERM, qui est intitulé Maladies tropicales et infectieuses émergentes, dans lequel travaillent 432 personnes. Cet ensemble exceptionnel de chercheurs, de doctorants, de post-doctorants, d'ingénieurs et de techniciens a une productivité scientifique absolument remarquable, se traduisant par plusieurs dizaines de publications de haut niveau chaque année, avec un grand nombre de citations. Lauréat de plusieurs grands prix, en particulier récemment du Grand Prix de l'INSERM, Didier Raoult est internationalement reconnu pour ses travaux sur les bactéries pathogènes chez l'homme, en particulier les bactéries responsables du typhus, les rickettsies. N'oublions pas que plus que les guerres, les infections bactériennes et virales sont responsables dans une large mesure du destin de certains territoires. Ils l'ont été dans le passé, ils le sont encore aujourd'hui. N'oublions pas aussi que les progrès de la lutte contre les infections, d'abord par l'hygiène, puis par les vaccins et les antibiotiques, sont à l'origine de l'augmentation spectaculaire de la longévité observée dans notre espèce depuis 150 ans. Parmi les recherches de Didier Raoult, je voudrais tout d'abord citer sa découverte des mégavirus, des virus d'une taille anormalement élevée qui a surpris tous les observateurs et qui a mené à une véritable révolution dans ce domaine de la microbiologie qui est presque à l'interface entre la virologie et la bactériologie. En fait, Didier Raoult est un chasseur et un, pourrait presque dire, un collectionneur de microbes. Plusieurs bactéries portent son nom et sa notoriété est encore plus attestée par le fait qu'un genre bactérien s'appelle Raoultella. Didier Raoult s'intéresse aujourd'hui à des sujets qui concernent, comme cela a été dit il y a un instant, les bactéries du tube digestif. C'est un domaine considérable qui suscite beaucoup de recherches, mais grâce à son talent, à son expérience, je dirais même à son audace, Didier Raoult va l'aborder de façon tout à fait originale, en s'attachant particulièrement à l'étude de bactéries difficiles à étudier, telles que les archées ou les cellules bactériennes nucléées. Il utilisera pour cela les méthodes de séquençage génomique. On peut ainsi espérer qu'à partir de ces études, on pourra compléter le répertoire des bactéries composant la flore microbienne du tube digestif, ce qui est d'une importance essentielle quand on connaît le rôle central du microbiote intestinal dans le contrôle de la survenue de maladies métaboliques, de l'obésité, du diabète de type 2, des maladies allergiques et auto-immunes, et même du fonctionnement du système nerveux central. Tout laisse penser que les travaux de Didier Raoult pourront également contribuer, par l'étude des voies de synthèse au sein de ces bactéries, de trouver de nouvelles molécules et qui pourraient devenir à terme des médicaments dans de très nombreuses maladies. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité à nos productions. Je reçois ce soir monsieur Noël Rixon, auteur de plusieurs livres. Je le reçois en particulier pour l'ouvrage qu'il vient de faire paraître aux éditions Mémogramme sous le titre Conscience athée. C'est un ouvrage qui est tout frais, tout neuf, mais monsieur Rixon a aussi publié d'autres ouvrages sur l'athéisme, un livre sur le curé Jean Mélier, intitulé « Dieu n'est pas », publié aux éditions EME, un ouvrage « L'absence d'être de Dieu, à partir et au-delà de l'incertitude », c'est un témoignage, et puis sur le Père Léon, « Rendre possible l'impossible », ce sont des écrits du Père Léon que vous avez rassemblés et présentés. Alors votre parcours, Noël Rixon, est un parcours assez original. Vous naissez dans une famille catholique, puis vous devenez prêtre. Et puis un jour, vous devenez athée. Alors expliquez-nous un petit peu ce cheminement. Mais en réalité, ça a commencé très tôt, dans mon enfance. J'avais 11 ans, lorsque tout d'un coup, je me suis murmuré à mon fort intérieur, et s'il n'y avait pas de Dieu ? Si tout ce qu'on m'en disait n'était pas vrai. Alors, est-ce que c'était une crise est-ce qu'on pourrait appeler ça une crise métaphysique ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ça m'est venu comme cela, brusquement. Je traversais. Vous qui étiez entouré de catholiques, oui, voilà, et formé dans tout la religion catholique. Et c'est ce qui a posé un peu, si on veut, le problème, parce que je me suis senti en contre-courant avec le milieu dans lequel j'étais. Et pourtant, vous devenez prêtre. Oui, mais parce que j'ai, disons, ressenti ce doute comme anormal. Et comme, comme je me suis senti comme étant dans l'erreur, puisque tout mon entourage, mes parents, très chrétiens, très catholiques, très croyants, bon, pour eux, Dieu, c'était une évidence. Et alors, je me suis dit, mais enfin, comment se fait-il que pour moi, ça n'en est pas une, et pourquoi est-ce que ça ne le deviendrait pas? Pourquoi ferais-je exception? Je trouvais donc tout cela anormal. Alors, il se fait que J'avais aussi dans l'idée, en passant à mon avenir, de me mettre au service d'autrui de la manière la meilleure possible, et je n'en ai pas trouvé d'autres. Il faut tenir compte, disons, du milieu, du contexte et tout cela. Et donc, je suis entré dans une congrégation parce que je me suis dit que là, je trouverais peut-être ce Dieu qui semblait m'échapper et qui me manquait dans un certain sens. Alors, je suis entré dans cette congrégation où se trouvait déjà un oncle qui était missionnaire dans le Grand Nord et où se trouvait aussi déjà... Votre frère aîné. Voilà. Donc, c'était... Et je suis rentré dans cette congrégation. Ça a été donc la formation. Hein, et là, de nouveau, j'ai joué le jeu à fond en me disant que de cette manière, je trouverais la réponse à la question de mes 11 ans. Il se fait que j'ai terminé. On m'a jugé apte, malgré tout, à devenir prêtre. Mais je suis certain que le jugement des formateurs a été biaisé par mon comportement, que j'étais toujours voulu correct et conforme aux règles et règlements. Donc, Vous ne disiez pas, à l'époque, le fond de votre pensée. Vous n'osiez pas dire. Non, je n'en parlais pas. Et disons que je suivais tout à fait correctement les programmes de formation philosophique, théologique, parce que ça m'intéressait bien sûr. J'espérais, à travers tout cela, arriver au bout de ma question. Et puis, il se fait que j'ai été après, donc, ayant été ordonné prêtre, je me suis trouvé à la communauté de la Poudrière, qui est là une communauté tout à fait pluraliste, où vous avez des personnes de tous bords, des femmes, des hommes, des croyants, des non-croyants, etc. Et dont l'objectif était de réaliser en microcosme une humanité plus humaine, dans un esprit d'amitié, de justice, et dans un souci d'unité dans la diversité. C'était le grand leitmotiv. Et là, je me trouvais très bien, parce qu'au fond, j'étais là dans une activité tout à fait bien humaine. Et puis vous perdez la foi. J'oserais presque dire que la foi, je n'ai jamais perdu. Vous l'avez jamais eu. Oui, voilà. Je n'ai pas perdu, non, parce que je ne l'avais jamais eu. Mais, j'ai, donc, dans le cadre de la communauté, j'ai eu des contacts avec des infirmières qui venaient me parler de leurs problèmes à l'hôpital, et j'ai eu l'intention, et je l'ai fait, donc, d'entreprendre une formation d'infirmier. Donc, au bout de cette formation, j'ai été engagé dans un hôpital du CPAS de Bruxelles. Et là, j'ai donc travaillé comme infirmier et comme prêtre infirmier. À l'époque, disons, il y avait les prêtres ouvriers, donc moi, j'étais prêtre infirmier. Mais j'ai été finalement plus infirmier que prêtre, et j'ai un peu, à la longue... négligé, ou même presque oublié, ma condition et mon état de prêtre. Et alors, vous vous engagez dans l'athéisme. Mais si on veut, je crois que j'y ai toujours été. C'est ça. Dans un sens. Un petit fait anodin, tout à fait à l'hôpital, m'a rappelé mon état. Et à ce moment-là, ça a fait tilt. Et je me suis dit, mais enfin, je n'ai pas la foi. Et tout compte fait, je n'ai jamais eu. Et alors, décision. Il faut un certain courage, après avoir vécu dans ce monde clérical, etc., il faut un certain courage philosophique, dirais-je, pour prendre des distances et pour être, je veux pas dire un militant de l'athéisme, mais comme vous le dites dans votre livre, quelqu'un qui est un athée radical ou qui professe un radicalisme athée. Oui, tout à fait. Un radicalisme athée, et que j'ai vécu comme une force positive. Ça a été une découverte pour moi. Enfin, en fait, en réalité, et comme un facteur de libération humaine, mais en fait, je me suis converti à ma vérité intime, à moi-même, tout compte fait. J'ai ouvert les yeux sur moi-même, et pour moi, ça a été, je dirais presque, une jubilation. Et je l'ai vécu comme cela. Oui, mais l'athéisme n'est pas pour vous une perte de valeur. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aimerais relever qui est dans votre livre. Hein, vous dites, le monde sans Dieu n'est pas un monde vide. C'est ça, exactement. Donc il y a des valeurs positives. Ah, mais tout à fait. Expliquez-nous un petit peu quelles sont ces valeurs positives. Ah ben, tout ça, enfin, je veux dire les valeurs. En fait, lorsque je me suis trouvé tout à fait en dehors de la foi, de la, enfin, je n'ai jamais été, mais disons, en dehors du monde clérical, là, j'ai porté un regard nouveau sur le monde. Et le monde qu'il faut, à mon avis, en tant qu'athée, comprendre à partir de lui-même. Alors, vous êtes devenu libre penseur. Ben oui, bien sûr. Mais pas oui. Comme Gabriel Ringlet. Absolument pas. C'est pas la même libre pensée. Non, ça je ne marche pas comme ça. Parce que vous en parlez dans votre livre de Gabriel Ringlet. Oui, bien sûr, oui, parce que je ne partage pas toujours ce qu'il dit et que, bon, il n'est pas toujours très clair et assez mou dans ses... Je trouve, enfin, oui, ça, c'est mon idée. Vous êtes plus radical. Vous êtes plus radical. Ben, je suis plus radical. Et je préfère, au fond, avoir affaire, chez des croyants, à des personnes qui sont radicales dans leur croyance. Disons, je crois qu'à ce moment-là, bien sûr, ça fait peut-être des chocs. Oui, ça fait un choc, hein, ça fait une collision. Si on veut, mais de là, il en ressort quand même souvent quelque chose. Mon livre, en fait, il est écrit en dialogue avec des croyants et des non-croyants. Est-ce que, ce sera ma dernière question, qui appelle une réponse extrêmement rapide, vous êtes heureux d'être athée, Noël Erickson? Absolument, oui, parce que je me suis découvert tout à fait... moi-même. J'ai écrit d'ailleurs à la fin de mon livre un long poème philosophique que j'ai intitulé Jubilation et qui en fait est un résumé au fond de toute ma pensée athée et est comme le reflet de mon état d'esprit face à ma mort. Eh bien, nous invitons les lecteurs à lire votre livre extrêmement intéressant et votre passage Jubilation, hein, comme vous le dites, c'est un poème qui termine l'ouvrage. Je rappelle le titre de votre livre, Noël Erickson, Conscience athée, ouvrage préfacé par le professeur Serge de Ruette, qui est aussi un spécialiste du Curie Emilier, et cet ouvrage est paru aux éditions Mémogramme. Merci infiniment pour votre présence à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. Oui. Il a 11 ans, c'est un garçon de notre siècle. Il veut connaître. Ce qu'il passionne, ce sont les secrets de la nature. Il cherche, il ne rêve que larves et métamorphoses. Il y consacre tous ses loisirs. Son problème, sa question à lui ce jour-là, c'est de savoir si les libellules mangent des escargots. Ils ont tous leurs problèmes, leurs questions. On a peine à imaginer quels sont leurs intérêts. La vie actuelle les entraîne, ils sont plus réceptifs que leurs aînés. Le grand déferlement de l'information, les journaux, les revues, la télévision les touche en plein. Il n'y a plus grand-chose qu'on puisse leur cacher. Ils vivent en direct la grande aventure de l'espace. La télévision leur apprend à penser à l'échelle de la planète. Ils connaissent l'unité du monde, la grandeur et la faiblesse des hommes, leurs problèmes et leurs déchirements. Ils ont vu les typhons, la guerre en Asie. Ils s'interrogent. Où, comment, pourquoi? Peut-on ne pas leur répondre? Écoutez leurs questions, celles qu'ils se posent d'eux-mêmes. Combien de pattes a vraiment un mille pattes? D'où vient le cancer? Comment sait-on l'âge des hiéroglyphes? Qu'est-ce que c'est que le napalm? Comment fait-on un disque? Comment fait-il que l'eau soit incolore? À quelle vitesse une fusée doit-elle aller pour quitter la Terre? Quelle différence y a-t-il entre l'opium et l'héroïne? En quelle année est mort Galilée? Comment commence un nid de guêpe? Pourquoi le ciel est-il bleu? Est-ce que les couleurs existent? Qu'est-ce que la vitesse? Si une bombe atomique explosait en Amérique, la radioactivité nous atteindrait-elle? Où est la nébuleuse d'Andromède? Pourquoi a-t-on un cœur en deux parties? Pourquoi y a-t-il du vent sur la Terre? On ne peut plus l'ignorer, leur univers aujourd'hui, c'est ce fourmillement de questions. On dit que trop de choses les tiraillent en tous sens. C'est vrai sans doute, mais l'énergie même de leur curiosité, ne peut-on la capter, l'utiliser? De qui peuvent-ils espérer les réponses, sinon de leurs parents et surtout de l'école? Et l'école va-t-elle les séparer de la vie? Ou peut-elle s'organiser pour utiliser leur soif naturelle d'apprendre, leur capacité d'enthousiasme, pour remplacer l'agressivité et la dispersion par la connaissance? Rien n'est exaltant comme un chantier, disait Freinet, surtout si l'on y bâtit des hommes. Notre école, aujourd'hui, est un de ces chantiers. Entrons dans leur classe avec eux à la première heure du matin. Quelques minutes d'abord pour se retrouver tous ensemble. L'atmosphère de leur travail, c'est eux qui la créent. Ils ont choisi, spontanément, pour ouvrir la journée, cette musique d'Albinoni. Plusieurs élèves ont rédigé chez eux un texte libre, né de leur imagination, présenté ici sans retouche. Un accident. Il y a quelques semaines, j'allais accompagner Amoruso à ses leçons de piano quand je voulus lui montrer que je sais aller à vélo en fermant les yeux. Alors je quittais la lumière du jour pour pénétrer dans les ténèbres des yeux fermés. Ça allait très bien, mais je me rapprochais du bord de la route et tout à coup, crac boum badaboum. J'avais accroché le trottoir avec ma pédale droite et j'étais tombée sans aucun mal. Pas mal du tout. L'enfant noir et la rose rouge. Devant ma maison, un enfant noir jouait. De ses mains encore fragiles, il cueillait les brins d'herbe. Il était beau, j'aurais voulu qu'il soit mon frère. Je désolis de mon jardin et courus vers un rosier. Je choisis la rose la plus rouge et, une à une, enlevai les épines. J'allai vers l'enfant et souriante lui tendis la fleur. Le bambin regarda d'abord avec étonnement, puis prit la rose dans ses doigts frêles. Il la respira et voulut la goûter, puis il la regarda émerveillé. Cette rose était née pour un enfant noir. Le violon. Sur le trottoir d'une rue étroite où se serrent les maisons d'autrefois, un pauvre violoniste joue un air triste et sombre qui rappelle les soirs froids de l'hiver. Le violon pleure à chaudes larmes sur le pavé usé. Sa vie est monotone, sans sourire et sans joie. Le vieil homme gratte avec indifférence sur ses cordes qui, lasses et enrouées, se reposeront bientôt d'avoir vibré dans les rues et dans les cours. Mais c'est très joli, c'est très poétique. Marie-Claire veut dire. Le coucher du soleil sur l'océan. Le soir tombe, la nuit avance doucement sur l'océan. L'océan respire lentement, lentement, comme une grosse bête endormie. Les bateaux s'éloignent de plus en plus en laissant derrière eux une traînée multicolore. Le soleil s'enfonce dans les flots où ses reflets jaunes et rouges se regardent comme dans un miroir doré. Que ce coucher était joli. Très bien, bravo. Plus t'asseoir. Matelot, toi qui viens d'arriver, pose ton baluchon et viens te joindre à nous. Matelot, toi qui brique le pont, viens te joindre à nous. Matelot, toi qui reprise le filet, viens te joindre à nous. Matelot, toi qui travaille dur, viens te joindre à nous. Matelot. Très bien. Y a-t-il un autre ? Allez, André, à toi. Une fourmi. Trotte, trotte, trotte, petite fourmi. Saute. Hop là, te voilà par terre. T'es-tu fait mal ? Oh, je ne pense pas, car tu te relèves et tu reprends ta petite course. Voilà, monte sur mon doigt. Ouh là là, tu te crois dans une forêt de poils ? Que tu es jolie, petite fourmi. Je te laisse continuer ta course folle. Très bien. Alors nous allons voter pour savoir quelle composition on va imprimer. Qui vote pour l'enfant noir ? Une voix. Qui vote pour les chants ? Oh oh. Zéro. Qui vote pour si j'étais ? Un, deux, trois voix. Qui vote pour une fourmi ? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je pense que c'est celui-là qu'on va choisir et imprimer. Qui vote pour le violon ? Une voix. Le coucher. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien. Le matelot. Une voix. Joli ce matelot. L'accident. Personne. Bon, alors je pense que c'est une fourmi d'André. Nous allons travailler un peu. Guidés par leur maître, ils corrigent et analysent eux-mêmes leur texte. Je, dans cette phrase simple. Allez, je, Jackie. Qu'est-ce qui ne pense pas je comme sujet? Très bien. Phrase 6, tu te relèves. Qu'est-ce que c'est que le te? La fonction de te, tu te relèves. Mathias. Tu te relèves qui ? Non. Tu relèves qui ? Tu relèves qui ? Toi ? Alors ? Complément direct. Très bien, complément direct. Phrase 7, tu reprends ta petite course. Qu'est-ce que ta petite course direct ? Tu reprends quoi ? Ta petite course, complément direct. Très bien. Bon, phrase 9, monte sur mon doigt. Phrase ? Monte où ? Sur mon doigt, complément de lieu. Très bien. Et pour finir, je te laisse continuer ta course folle. Qu'est-ce que ta course folle, Victor Payon ? Complément direct, je te laisse continuer quoi, ta course folle ? Bon. Ce texte est lu, corrigé, n'est pas un exercice pour rien. Tous ensemble, ils le reprennent, lettre par lettre, ligne par ligne. Ils se font typographes, car ils composent un vrai journal qu'ils échangeront avec celui d'autres classes. Confrontation, comparaison, échange... Ils apprennent à connaître les autres, à sortir d'eux-mêmes. Chaque enfant a fait son planning de la semaine. Il a un travail bien précis, différent de celui de son voisin. Chacun travaille à sa vitesse. L'élan ne freine pas les rapides. Les leçons ne sont plus collectives, mais individuelles. L'école ici est sur mesure. Les enfants se sont unis eux-mêmes en groupe, où l'effort aide les plus faibles, où l'entraide remplace la tricherie. Cette organisation très souple ne les empêche nullement de remplir le programme imposé à toutes les classes. Le programme est un contrat qu'ils doivent honorer, et même ils en font plus. Oui, comment une de ces parties, c'est un dixième. On va savoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un neuvième. Alors, 3 neuvièmes. Bon, ensuite, comment tu as passé au 180? J'ai fait 180 moins... 180 divisé par... Divisé par 9. Par 9, pour avoir la valeur... d'un petit neuvième, et puis 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après j'ai multiplié. Par combien ? Par 5. Alors tu t'aurais trouvé ? 20. Le maître conduit l'enfant à se guider et se contrôler lui-même. Alors par conséquent, c'est pas exact. Tu vois ? 1, regarde. Je vais te noter ça. 1, petit machin là. Okay. Un espace représente 20 cm, puisque tu en as 9 et que ça fait un 80. Alors, si tu sautes 3 espaces, ça ne peut pas faire 40 cm. Tu y es ? Oui. Tu as compris ? Alors, tu vas, s'il te plaît, me la refaire, et bien juste, etc. Tu y es ? Ça, cette partie, c'est pas un machin, ça s'appelle un espace. D'accord ? Bon, alors tu vas tranquillement à ta place. Merci. Très bien. L'intérêt fait disparaître le chahut, la responsabilité facilite la concentration. Est-ce que c'était trop facile ou pas? Tu veux encore une même? Voilà. Écoute, c'est le même genre, et tu me fais le plaisir d'écrire encore mieux. Hein? Du travail sérieux, voici. Dans l'aquarium, il y a un bébé. Bébé libellule. Bon, viens me montrer. Toi qui es spécialiste, viens avec moi. Une question à l'improviste, c'est l'occasion de capter la vie et toute la classe y associe. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des bébés, parce que c'est transparent. Ce grand machin, là? C'est un tétard. Mais c'est un tétard de crapaud. On dirait que c'est des bananes, parce que c'est gros. Ah non, t'avais jamais vu des tétards si gros? Non, ça c'est des tétards de crapaud. C'est pas des... Et toi, là, on en mange. Comment ça serait un bébé libellule? Minuscule. Si c'est un tout petit bébé, on ne verrait pas l'œil nu. C'est plus petit qu'un grain de riz? Oui. Comment tu sais tout ça? J'ai vu non, au microscope. T'as vu au microscope? Oui. Formidable. Bon, alors tu vois, tu y es, ça c'est un... C'est un tétard de crapaud. Les grenouilles, ça serait quelle couleur? Ça serait... Noir. Ça serait noir, d'accord. Bon, ben on retourne à notre travail. Dans leur texte, les enfants ont exprimé librement leurs intérêts. Ils perfectionnent individuellement leur technique de travail, ils y sont stimulés. Il faut que leur orthographe soit bonne s'ils veulent que leur journal soit un succès et se vende. Pour le calcul, ils préparent un brevet, un petit diplôme qui couronne leur effort. Cette stimulation, c'est une idée de Freinet. Il l'a créée il y a 40 ans dans son école de Vence. En place, mademoiselle. Tirer le journal fait du bruit. Une équipe de volontaires le fera après l'heure, pendant la récréation, s'il pleut. Ils créent ainsi leur journal. Chaque mois, 10 000 journaux semblables circulent déjà en France. Ils l'ont appelé le jet d'eau. Et ils le vendent un franc. Ils ont des abonnés, un caissier, un compte de chèque postal. Ils sont vraiment dans la vie. C'est aujourd'hui l'heure de la causerie. L'enfant a préparé tout son matériel lui-même. Ce matin, à l'affiche, une conférence sur Albert et le Lambaréné. Albert Schweitzer est né le 14 janvier 1875 à Kaisersberg. Kaisersberg est en France, en Haute-Alsace, entre Strasbourg et Bâle. Albert Schweitzer avait un père qui était pasteur et une mère qui tenait le ménage. Un jour, un homme noir vint auprès de lui et lui dit que toute sa famille était malade. Albert se dépêcha et alla vite auprès de sa famille. Un des fils était atteint du pian. Voilà la maladie du pian. Elle est affreuse à voir. Voilà un enfant atteint du pian. C'est affreux à voir. Est-ce que tu sais, le pian est une espèce d'impétigo qui nous fait très mal. Des taches, des verrues et des taches. C'est une espèce d'impétigo. Un autre fils était atteint des ulcères. Des ulcères, ce sont des plaies qui sont infectées. Voici Albert Schweitzer qui guérit un homme atteint des ulcères. Un autre fils était atteint du paludisme. Le paludisme est très grave aussi comme maladie. C'est un moustique qui l'amène, qui nous pique et qui nous fait rétrécir le foie, le corps se déchique. Mais par contre, le volume du ventre augmente. Vous voyez ici un enfant atteint du pian. Du paludisme, pardon. Albert, peu à peu, connaît tout le village. Il va très souvent soigner des gens des villages voisins. Martine. Ça, tu le verras après, c'est pas fini. Albert connaît maintenant presque tous les villages voisins et les coins aussi. Il connaît les coins, il va des fois pique-niquer. Le soir, le personnel de l'hôpital est très fatigué. C'est alors qu'Albert joue de l'orgue. Vous allez tous me demander pourquoi il joue de l'orgue. Eh bien, c'est parce qu'il a eu un don extraordinaire. Il a le don de l'orgue. On retrouve des mélodies qu'il peut ressentir, qui font des sentiments très douloureux. C'est alors qu'il joue de l'orgue pour le personnel, pour le délasser après une longue journée. En une journée, ils reçoivent à peu près 20 à 25 personnes à soigner. Ce travail est très pénible. Musique. Thank you. Apprendre, c'est réinventer, a dit un grand pédagogue. Réinventer se fait en petits groupes, un atelier de 4 ou 5 avec un responsable le plus fort. Les enfants apprennent non par la leçon du maître qui enseigne, mais par l'expérience qu'il leur prépare. Le rôle du maître est tout nouveau. Il a mis au point les rouages du travail, il organise les recherches, il s'adapte à la psychologie de l'enfant, il le conduit à apprendre en enseignant lui-même, il fait celui qui ne sait pas et n'intervient que si on le lui demande, si on en a besoin. La recherche ici, c'est de cultiver les facultés créatrices. La vie moderne a besoin de créateurs. Les passifs, ceux qui ne font que consommer la culture sans profit pour eux et pour les autres, sont inutiles. L'adage principal, comprendre, c'est savoir-faire. La classe est donc faite de plusieurs groupes. Ce n'est pas l'effet du hasard, les enfants eux-mêmes l'ont demandé. Ils se réunissent selon leurs intérêts et leurs affinités. Cette organisation du travail leur est naturelle, on la retrouve dans tous leurs jeux. Elle est nécessaire aussi à la construction de la pensée. Elle conduit à la confrontation, à la coordination des points de vue, à l'effacement des contradictions. Elle apprend, et c'est difficile, à se mettre à la place d'un autre. Il faut aussi oser s'exprimer, savoir dire vraiment ce que l'on pense. C'est la vraie démocratie déjà sur les bancs de l'école. Il faut prendre le risque et le goût des responsabilités. Les enfants disent donc ce qu'ils pensent et ils le signent. Ils émettent des vœux. Ils les discutent, ils apprennent ce que c'est qu'un vote, comment on peut être responsable de son sort et du sort de tous, ils apprennent la liberté. Alors, le programme est tenu, mais il s'ouvre, il s'élargit en même temps sur la vie et le monde. La dôle, le chasseron, le chasseral, le jora, le nap, le rigui, le malaison, le pilate, le mont rose, le servin, Eiger, Hunch, Jungfrau, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Turquie, l'Afghanistan, le Pakistan. L'histoire pièce en main. Une fillette étudie le château Le Chillon. Elle prépare une monographie qu'elle présentera aux autres sur le château, sa construction, son histoire. Elle sait déjà, par l'exemple des autres, noter, classer, cataloguer ses idées et ses connaissances pour ensuite les exprimer logiquement et clairement. Comprendre, c'est savoir-faire. Une expérience, ça se prépare. Pour qu'elle aboutisse, il faut la connaître dans le détail. Il faut émettre ensemble des hypothèses, réfuter celles qui paraissent fausses, les vérifier, accepter le verdict indiscutable de l'expérience manquée ou réussie. Ils ne feront rien d'autre plus tard dans leur vie d'adulte. L'étude, à travers le microscope, favorise l'esprit d'analyse et les sciences naturelles développent chez chacun le sens de la causalité. Un garçon. Une fille. La présence de l'étranger. Cet enfant espagnol doit en plus apprendre la langue française. Il le peut grâce au cours qui lui fait associer l'image, le mot écrit et le mot entendu. En 3 mois, celui-ci a su parler sans déranger le travail des autres. C'est bien connu, les enfants ont en eux les ressources des poètes et des artistes. Ils aiment à créer selon ce qu'ils ressentent. Leur connaissance de l'art doit révéler leur goût de la vie. Ils dessinent, sans modèle, les mondes intérieurs de leurs rêves et de leurs fantaisies. Ils saisissent un moment de la vie et expriment librement leur joie, leurs sentiments, à travers les formes et les couleurs. L'histoire, les sciences, le calcul, la géométrie, toutes les leçons du programme sont mises au point par les enfants eux-mêmes. Ils ont préparé leurs dessins, d'autres ont fait des recherches. Ce n'est pas le travail d'un seul ou de quelques-uns, c'est le travail de tous. L'éducation par le travail. Du Guesclin est né à Moudbrunn vers 1320. Son père était un assez riche seigneur dans ce coin qui se trouve en Bretagne. Plus tard, vers 25 ans, toujours en Bretagne, il commence ses premiers exploits. Nous le voyons ici dans la forêt de Brocéliande, c'est-à-dire qu'il se battait contre les Anglais. Il y eut là la bataille de Cocherel, et de Dovauget, qui l'a gagné tous les deux. Plus tard, Du Guesclin part en Normandie. Là-bas, il se distinguera et recevra deux titres. L'un, la lieutenant général de Normandie, et l'autre, il deviendra capitaine de Pont-Orson. Plus tard, vers 1365, il s'illustrera dans des batailles en Castille. Le voilà en Castille. En 1380, à Châteauneuf de Randon, il mourra à la suite d'une fièvre très violente. On devra l'enterrer de nuit à la chapelle Saint-Denis. Justement, à cette chapelle Saint-Denis, tous les rois de France y sont enterrés. Voilà, j'ai terminé. Bon, eh bien, c'est très bien. Avez-vous des questions à nous poser? Il est mort à 79 ans, donc? Non. Il est né en 1320, puis il est mort en 1380, il avait peut-être 60 ans. Où est Rennes? Rennes, c'est en... En Bretagne. Bretagne. Bretagne. Je crois que c'est la capitale de la Bretagne. Ouais. Il y a encore des questions. Oui, allez poser des questions. Allez-y. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce dessin des couchers? Ah, ça c'est un gisant à la cathédrale Saint-Denis sur son tombeau. Mon sujet était de trouver la surface de ce parallélogramme. Alors, en premier, j'ai mis par-dessus un rectangle. Voilà. Bon, peux-tu te retirer de côté pour que tes camarades voient bien? Vous voyez ce qu'elle a fait? Bien, continue maintenant. Ensuite, je place deux clous ici et là. Former des carrés, je mets l'élastique. Et double là, redouble là. Voilà. Et puis je remarque que ça c'est la moitié donc du carré. Alors en premier je vais calculer la surface de ce petit carré. Bien, comment fais-tu? Je vois 3 carrés et là 3, alors 3 fois 3 ça fait 9. Bon, t'as déjà 9 à cet endroit là. Ici j'ai aussi 3 fois 3 ça fait 9. Mais il faut que je prenne la moitié parce que mon parallélogramme s'arrête ici. Bien. Alors la moitié de 9, c'est 4,5. Bon. Et ici la même chose. 4,5, 4,5, ça nous fait 9. Et comme là on a 9 de surface dans ce petit carré, ça fait 18. 18. De surface pour le bon. C'était difficile à trouver ça? Non. Non. Elles ont des yeux très puissants qui peuvent faire voir des tas de choses. Bon, je t'arrête. On te pose des questions au fond de la classe. Voulez-vous? Vas-y. Est-elle sensible aux odeurs? Non. Principalement. Ça dépend de lui. Bien. Combien de temps vit-elle dans l'eau? 4-5 ans. Est-ce qu'elle a toujours son masque quand elle aime? Quand elle voit? Oui, elle attrape avec des centaines de moustiques par jour. Bon, voilà, tu as expliqué. M'expliquer ce que tu appelles le masque. Le masque, c'est quelque chose qu'il y a là-dessous. Là, c'est le dessus, c'est le dessous. C'est un appareil qui boit. Il est comme ça. Peux-tu vite me le dessiner ici, oui, parce que je comprends pas très bien. Vas-y. Il prend comme ça. Et ça s'ouvre ici. Ça s'ouvre. Mmh. Bien. C'est une sorte de bouche, alors. Oui, c'est une sorte de bouche qui est dessous. Ah. Elle attrape la queue avec, elle le coince, puis pour l'instant elle le boit. Alors elle mange en somme par-dessous la terre? Non, par ici, c'est simplement pas, elle le tient par-dessous. Ah, c'est pour tenir, oui. Ça. Bien, il me semble qu'on te pose d'autres questions. Combien de temps vit-elle hors de l'eau? 400. Aussi un œuf libellé minuscule. Un œuf libellé. Peux-tu le faire un petit peu plus gros? Dessine-le un peu plus gros, que tout le monde voit la forme. Bien. Ça dépend parce qu'elle peut être arrondie, ça dépend sur quoi elle est. Oui, dis-moi, t'en as déjà vu des œufs de libellule? Ben. Oui, mais ça se voit pas beaucoup. On voit des petits trucs, on sait pas ce que c'est, mais. Quelle est la principale nourriture de la libellule? Des petits poissons, des tatars, beaucoup de tatars. Il y en a même ici, je ne sais pas si c'est un peu. Non. Et nous allons vous amener dans le calme, mais oui, montre-nous sérieusement. Voici un tatar qui n'a plus de. De pâte. Peux-tu tourner ton bocal parce qu'il y a quelque chose qui me cache, voilà, quand je vois. Vas-y. Alors? Alors, il lui manque une pâte de devant, on voit un gros trou. Des fois même, les libellules, elles mangent tellement dedans qu'elles ont presque plus rien et les tétards vivent toujours un petit moment, ce qui fait horrible. Mais bien, je t'arrête. Les larves de libellules ont un surnom. Quel est leur surnom? Le requin d'eau douce. Cette intégration de l'école dans la vie, qui pour nous est nouvelle, est le fruit de longues recherches. La Suisse a dans le monde la réputation d'aimer la pédagogie. Elle a aussi l'inspirateur de la pédagogie moderne, le professeur Jean Piaget, qui est docteur honoris causa de 14 universités dans le monde. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait de ce reportage. Une des choses qui m'ont le plus vivement intéressé est de constater les expériences de sciences, de physique en particulier, que font ces écoliers, que font spontanément ces écoliers. Il y a des années que je suis convaincu que dans le développement de l'enfant, il y a un développement spontané, il se crée des possibilités, des capacités d'expérimentation qu'en général l'école n'exploite pas. L'école montre bien des phénomènes scientifiques, des phénomènes physiques aux enfants, mais en général on les montre, c'est pas eux qui les découvrent. Par des expériences proprement dites. Tandis que là, on voit l'enfant qui se pose des problèmes, qui cherche, qui trouve les méthodes pour répondre aux problèmes qui se posent. Il y a une éducation de l'esprit expérimental et de l'esprit scientifique au sens le plus actuel qui me paraît remarquable et à encourager. Un second point qui m'a beaucoup frappé dans le film, c'est de voir ces enfants qui font des conférences, qui exposent le résultat de leur recherche. Et ça, je le trouve admirable. D'habitude, l'enfant écoute, on lui parle, et la vraie méthode pour apprendre quelque chose, les professeurs en savent, le savent les premiers, c'est de parler et de ne pas écouter. Eh bien, en apprenant à parler, ils apprennent à penser, à condenser le résultat de leur recherche. C'est vraiment un point à souligner et à encourager très vivement. Le troisième point qui m'a frappé également, c'est la formation des groupes. Ces enfants travaillent ou bien isolément ou bien par groupe et groupes qui se sont formés spontanément, quelquefois par intérêt pour un même problème, d'autres fois par défaut de matériel suffisant, il fallait se mettre ensemble sur le même matériel. Et là de nouveau j'aimerais souligner l'intérêt de cette méthode. Les pédagogues ont défendu tour à tour les qualités du travail individuel et individualisé, ou bien les qualités du travail par groupe. Ben, les deux sont nécessaires, ce n'est pas du tout une alternative. Et dans ce film, on voit très bien le passage spontané du travail individuel au travail collectif et réciproquement, et ça aussi est à souligner. Je sais, professeur, pardonnez-moi cette question, que bien vos travaux vont dans le même sens que ce que nous venons de montrer. Est-ce qu'il y a des points plus particuliers qui me permettent de vous demander où vous êtes-vous reconnu dans tout ce que vous avez déjà apporté à la science de l'éducation? Oh ben vous savez, je me suis reconnu, il faut être modeste, je ne sais pas si il y a une influence, mais il y a convergence en tout cas, et je vois la convergence très nette sur les trois points que j'ai indiqués. En étudiant avec Berbel Inelder le passage de la logique de l'enfant à la logique de l'adolescent, nous avons spécialement étudié la manière dont l'enfant, aux différents âges, découvre des lois élémentaires de la physique par expérimentation et par induction. Et ça, j'ai été enchanté de trouver dans le film de M. Guignet une réalisation de ce que nous avions rêvé sur ce terrain précis. Vous qui connaissez bien tout ce qui se passe dans le monde de l'éducation, dans le monde international, faites-vous un rapprochement entre ce que nous avons vu là et des expériences à l'étranger? Ah ben, si vous voulez, et de nouveau sur le terrain de l'expérimentation physique, aux États-Unis, depuis quelques années, les pédagogues et les responsables de l'éducation sont très préoccupés d'un nouveau d'éducation de l'esprit expérimental et d'éducation scientifique. le Spoutnik est certainement pour quelque chose. Et alors on voit aux États-Unis des physiciens préoccupés par ce problème de l'enseignement des sciences quittant leur laboratoire pour faire une année de pédagogie, pour entrer dans les classes et trouver des méthodes qui permettent à l'enfant de développer ses aptitudes à l'expérimentation. Et ce que j'ai vu, par exemple, en Californie, à Berkeley, avec les recherches du physicien Carplus, dans des classes des mêmes âges que ce que j'ai vu dans ce film, ou même plus jeunes, de 7 à 12 ans, ben là, il y a une convergence très nette. J'aimerais que vous me demandiez, ce sera ma dernière question, professeur, j'aimerais que vous me disiez si vous voyez quelques difficultés à l'application de cette méthode. Ah, la difficulté, c'est qu'il faut bien connaître la psychologie de l'enfant. Il faut être informé. Il faut une formation universitaire, ce que nous cherchons à réaliser à Genève depuis des années. Mais plus la formation psychologique est poussée, et plus le maître qui désire innover en tenant compte des capacités de ses élèves, plus ce maître aura d'idées dans l'utilisation de réactions spontanées dont la signification pourrait échapper à ceux qui n'ont pas de préparation psychologique. Tandis qu'une préparation psychologique, c'est pas pour dire qu'on peut déduire de la psychologie une pédagogie, loin de là, le maître a inventé lui-même ses procédés, mais il sera d'autant plus créateur qu'il est mieux renseigné sur les lois du développement de l'enfant. Et puis je vous dis, j'aime bien ma liberté. Si je veux m'asseoir, je m'assois moi. Et si je veux travailler, je travaille. Si je veux pas travailler, c'est pareil. Quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous vouliez faire, vous? Oh, ben écoutez, la terre me plaît très bien, moi. Oui. C'est plus la terre. On gagne pas beaucoup, mais j'ai toujours dit, n'est-ce pas, on a un peu de liberté quand même. Et vous n'avez pas envie de faire autre chose? Ah si, j'avais envie d'être fonctionnaire comme mes frères, à la rigueur. Quoi, gendarme, on m'a dit, non? Oui, gendarme. Ah? Oui, mais j'étais pas assez grand. Ah? J'étais trop petit, moins qu'un centimètre. Un centimètre pour être gendarme? Pour être gendarme, à pied. Qui vous aurait plu d'être gendarme? Ah, c'est toujours l'argent, c'est toujours le pognon, puis la retraite. Ah, la retraite, oui. La retraite qui est là, toujours. Alors, vous préférez pas avoir un tracteur? Non, parce que, comprenez-vous, j'en ai pas assez grand, et puis les tracteurs coûtent cher. Oui. Il faut 1 million. Il y a beaucoup de voisins qui ont même acheté un tracteur, qui ont emprunté 1 million. C'est bien joli, seulement le tracteur est usé et le million n'est pas fini de payer. Mes 2 chevaux, oui. Et me rapportent. Comment ça, ils vous rapportent? Je les fais saillir. Ah. Et alors, ça me fait un poulain tous les ans. Comment ça vaut un poulain? Un poulain de 6 mois, il vaut toujours 80 000. Ah, 80 000, oui. Oui, environ. Soit, ça dépend comment il est. Et puis, je vous dis, j'aime bien ma liberté. Si je veux m'asseoir, je m'assois moi. Et si je veux travailler, je travaille. Si je ne veux pas travailler, c'est pareil. Et voilà. Alors, si je m'en suis à l'usine, comme j'en vois beaucoup, et il faut partir. Oui. Il faut arriver à l'heure. Tandis que moi, que j'arrive 1 heure en avant, 1 heure en retard, c'est pareil. Seulement, il faut faire le travail quand même. Mais j'aime mieux travailler des fois fort, et puis avoir ma liberté quand même. Vous n'allez jamais au cinéma, vous? Oh, pas souvent. Hein? Oh non, ça ne me dit pas grand-chose. Pourquoi? Ça vous plaît pas? Oh, ça me plaît pas. Des fois, ça dépend du film, ça. Ah oui. Ça dépend ce que c'est. Oui. Si ça parle un peu de culture, j'aime bien. Ah bon? Après, il faudrait absolument que les vieux lâchent la propriété à 55 ans comme un fonctionnaire. Oui, pour laisser aux jeunes. Pour laisser aux jeunes. Oui. Parce que je vous dis, je connais, tenez à côté, là. Il y a un gars, là. Il a 50 ans et il est toujours sous la tutelle de son père qui a 80 ans. Ah oui, c'est pas normal. Alors, comprenez-vous, oui. C'est pas... Oui. C'est pas ça non plus. Go! Sophia, Sophia Aram, vous avez passé une bonne semaine? Eh ben, je vais tout vous dire. Lundi dernier, en sortant de ce studio, je m'attendais au pire et j'ai pas été déçue. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont passé leur semaine à essayer de pourrir la mienne en m'expliquant jusque dans les toilettes des chiottes d'une station-service. Hein. Je cite « Et toi, vas-y, salope, arrête d'embêter Cyril et occupe-toi plutôt de ta mère !» Alors non, cette imitation n'est pas prolophobe, elle parlait vraiment comme ça. Eh bien, à tous ceux qui me rabâchent que ma mère mériterait de passer le reste de ses jours en prison, j'aimerais leur dire que je suis d'accord avec eux. Évidemment, pour des demeurés comme Hanouna et sa horde de fanzouz, c'est un peu compliqué à comprendre, mais comme tous les enfants ayant eu un parent délinquant ou maltraitant, et ma mère était les deux, c'est un point de vue assez fréquent. Alors, pourquoi ne l'avoir jamais dit? Parce que, comme tout enfant d'une mère délinquante et maltraitante, j'avais honte. C'est idiot, hein? Mais voilà, ça fait près de 50 ans que j'ai honte. C'est pourquoi, la semaine dernière, quand Cyril Hanouna et sa bande de dégénérés consanguins ont tenté de me faire taire et de m'humilier en me faisant porter les condamnations de ma génitrice, j'ai fait ce qu'ils ne font jamais. J'ai réfléchi. Et je me suis dit qu'à l'approche de la ménopause, ne me demandez pas pourquoi c'est lié, hein, que je pouvais profiter de l'occasion pour décider de me débarrasser de la culpabilité d'avoir eu une mère délinquante et maltraitante. Attention, hein, j'ai toujours pensé que personne n'est responsable des actes de ses parents et que la seule chose que l'on peut reprocher à quelqu'un, c'est de reprendre à son compte l'héritage moisi de ses parents. Un peu comme une fille reprendrait l'héritage politique d'une petite entreprise familiale telle que celle que Jean-Marie Le Pen a léguée à sa fille Marine. En disant ça, je ne dis rien de plus que on n'est responsable que de ses actes et reprendre les rênes d'un parti fondé par d'anciens collabos est un acte, voter pour ce parti en est un autre, mais avoir eu une mère maltraitante n'en est pas un. Et pourtant, ça fait 12 ans qu'après chaque chronique sur l'extrême droite, l'extrême gauche, les antivax, les gilets jaunes, les complotistes, les fans de Morandini, de Raoult, de Zemmour ou d'Hanouna, on me remet le nez dans cette culpabilité et ça fait 12 ans que je me tais. Même quand Nadine Morano m'avait attaqué sur ma mère, je n'ai rien dit. Morano, hein, vous imaginez le niveau de chouma qu'il faut pour ne pas répondre à Nadine fucking Morano. Mais voilà, maintenant, c'est fini. Et lorsqu'Hanouna m'explique... Sophia, franchement, occupe-toi de ta maman, ma chérie, qui a été condamnée à 2 ans de prison de 6 mois ferme. Sophia, t'as déjà du boulot avec ta famille, lâche-nous. Il dit tout de lui, de sa violence, de l'importance qu'il porte à l'hérédité et au sang, comme porteur d'indignité, d'ignominie ou de déclassement, mais toujours rien de moi. Alors, si je n'ai jamais laissé ma mère faire de moi une victime, ce n'est pas pour laisser ce crétin et sa meute faire de moi leur victime. Parce qu'au fond de moi, je sais maintenant que je n'ai plus honte. Bravo. Bravo, Sophia Aram. Revue de presse, France Monde... Vosges Matin du samedi 15 avril 2023. Économie. La hausse du SMIC ne compensera pas l'inflation. La hausse du SMIC ne compensera pas l'inflation. On va s'en tirer au titre. Hein. Vosges. Favoriser l'implication des entreprises dans toutes les formes d'inclusion. Jean Castex, président de la Fondation Agir contre l'exclusion. France. Était l'invité des représentants de Face Ilia lors d'une rencontre à Plombière, à la Plomberie, pas à Plombière, non, à la Plomberie à Épinal. Ah, bon, les lettres, faut les mettre dans l'ordre. Michel Fournier fait chevalier de la Légion d'honneur par Jean Castex. Ah, un chômeur de longue durée. HSL a été pris en charge durant 18 mois pour le EIC à hauteur d'autres candidats, etc. L'emploi, l'égalité des chances, la lutte contre les fractures sociales, le retour durable à l'emploi. Alors, dans un seul article, il est question de l'emploi 3 fois. Ouais, l'emploi. Ah, ça c'est un problème. On nous a beaucoup parlé des retraites, hein, pendant 3 mois. Mais à l'occasion des retraites, il y a eu, à part les insoumis, les autres ont peu fait de liaison entre les retraites et l'emploi. C'était deux problèmes différents, à traiter chacun leur tour. Hein, voilà. Alors que le problème de l'emploi, c'est le problème principal de la société française. Eh oui, eh oui. si les gouvernants veulent faire arriver les fascistes au pouvoir, fascisten, on dit en allemand, eh bien, l'emploi, c'est le moyen le plus efficace. Ah oui, en 1923, il y avait beaucoup de chômeurs en Allemagne. Alors, le parti nazi, en 1923, il a commencé à avoir quelques adhérents. Bah oui, parce que les autres étaient, bon, ils étaient étonnés par ce que disaient les nazis, et puis surtout, ils étaient écœurés, ils en avaient marre des autres partis. Les autres partis, hein? Les autres partis qui faisaient rien, ou un peu n'importe quoi. Alors, ils ont commencé à écouter ces gens-là. Et puis, progressivement, ils ont monté un peu. Et puis, à la fin, ils se sont laissés tenter. En 1932, en 1933, les gens, il y a eu de plus en plus qui ont voté pour les nazis. Hein? Et en 1933, eh bien, Hitler s'est retrouvé à la tête du gouvernement allemand. Oui. 1933, et en 1939, eh bien, invasion de la Tchécoslovaquie, invasion de la France, etc., etc. Voilà. Une guerre mondiale qui a fait environ 64 millions de morts. 64 millions, ben, c'est le nombre d'habitants de la France actuellement. 64 millions. Eh oui, voilà, voilà, voilà, voilà. Et puis, bon, ben, l'Allemagne est devenue résolument pacifiste, hein, depuis 1945. Sauf que maintenant, elle fabrique de nouveau des chars qui sont, paraît-il, très performants, très efficaces. Hein? Ah oui. Bon, voilà. Un couvreur blessé après une chute de plus de 5 mètres. Accident de nacelle mortelle d'un salarié de Saint-Nabor. L'employeur condamné. La société Boireau de Saint-Nabor a été condamnée à 80 000 euros d'amende ce vendredi à la suite d'un accident du travail qui a coûté la vie à un homme de 55 ans. 55 ans, c'est pas 64 ans, hein. Tandis qu'un autre salarié présente toujours de graves séquelles plus de 2 ans après le drame survenu à Rombas-le-Franc dans le Haut-Rhin. Jamais condamnée par le passé, la société Boireau a été jugée pour 4 infractions, homicide et blessures involontaires dans le cadre du travail. Alors, bah oui, une notice paraît-il en anglais. Alors, bon, si les notices sont écrites en anglais, tout le monde ne peut pas les lire, et voilà, et voilà. Mais dans les radios libres, on ne parle pas anglais, hein. On ne parle que français. Ah oui, French, französisch. D'après le rapport de l'inspection du travail, les salariés œuvraient malgré un signal sonore dont ils ignoraient la signification qui alertait du risque de basculement de la nacelle. Voilà. Eh ben oui, c'est voilà. Accident du travail, l'âge de départ à la retraite, chômage, etc., etc. On a beaucoup de sujets de mécontentement. Par rapport à nos gouvernants, par rapport à nos élus, ceux pour qui on a voté, je dis on, parce que je ne sais pas qui a voté pour qui, hein? Ah bon, allons. Saint-Étienne, la centrale d'Enrobé ne fume plus. Depuis quelque temps, la centrale à Enrobé ne fume plus, pour le plus grand bonheur des Stéphanois. Mais, profitez-en, ça va pas durer, hein? Ah ben non. Allons, soyons naïfs, mais pas trop quand même. Pour Lula, c'est l'heure de parler de paix. Washington doit cesser d'encourager la guerre en Ukraine, a déclaré le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva dans une ultime adresse lors de son voyage en Chine. Les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre et commencer à parler de paix. Alors, à côté, Japon, explosion avant le discours du Premier ministre. Autre chose, diplomatie, la Chine dénonce une alliance anti-Pékin. Taïwan, des documents pointent la vulnérabilité du pays. États-Unis, des policiers se trompent et tuent un homme. Ah bon, ça arrive ça que les policiers tuent des gens. Non, ils sont là pour défendre les citoyens, ils sont pas là pour... Allons. Oh là, mais non. Remiremont, le centre aquatique pourrait devenir intercommunal. Tiens, il me semble qu'il y a quelques années, beaucoup de gens auraient souhaité que ce soit intercommunal. Et puis, des élus, pour des raisons diverses et pas très variées, souhaitaient que ce soit vraiment communal. Oui, oui, ben oui. Bon, le ruban, hein, par exemple, le ruban. Alors, 17%. Seulement 17% des usagers qui fréquentent le centre aquatique sont des habitants de Remiremont. Tiens, c'est bizarre ça, hein. Enfin, bon, passons, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Oh, 6 millions de chômeurs, on n'y peut rien. Il y a 6 millions de chômeurs, il y aura 6 millions de chômeurs, et puis voilà. Tant qu'on n'aura pas fait exploser le système, ben, rien ne changera. Alors, la réforme des retraites ayant terminé son chemin démocratique, entre guillemets, chemin démocratique, parce que c'est Elisabeth Borne qui parle, le temps est venu d'accélérer sur les autres projets, déclare la première ministre. La bataille continue, entre guillemets, la bataille continue, rétorque la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Eh oui, elle a bien raison. Soupçonné d'être un dealer de drogue, il écope d'un an ferme. Alors, dealer, c'est D-E-A-L-E-U-R. Alors, D-E-A, c'est de l'anglais, et L-E-U-R, c'est du français. Voilà, c'est un mariage mixte franco-anglais, ben oui. Et Sarkozy, début avril, plus de 11 000 euros, près de 400 grammes de résine de cannabis et plus de 600 grammes d'héroïne étaient retrouvés dans l'appartement supposé d'un homme en situation irrégulière. Son avocat a émis l'hypothèse qu'il n'était qu'une petite main au cœur d'un trafic plus vaste. L'homme a été condamné à un an de prison ferme. Nicolas Sarkozy a été condamné aussi trois fois, pour trois motifs différents, à un an de prison ferme. Mais c'était il y a plusieurs années, hein. Oui, oui. Et, oh, les choses avancent pas trop vite, hein. Ça dépend qui, ça dépend pourquoi, ça dépend... Voilà, hein. Ben oui. Quand même, pas mettre... Imaginez, vous êtes gardien de prison, puis vous recevez comme locataire un ancien président de la République, hein. Oh, quand même, hein, on serait gêné, hein, ah oui. 1973-2023, LIP, 50 ans après. 17 avril 1973, le PDG de l'entreprise horlogère LIP démissionne, un départ annonciateur de licenciement et de démantèlement. C'est le début de l'affaire LIP, le plus long conflit social de l'histoire de la France, selon l'historien Patrick Friedenson. Voilà, ouais, c'était comme ça. Alors, le 29 septembre 1973, grande marche de soutien à LIP. 30 000 manifestants selon la préfecture, 100 000 selon les organisateurs. Alors, suivant que vous voulez être organisateur de manifs, de syndicats, etc., ou secrétaire d'État, ou ministre, ou député, ou etc. Faut pas fréquenter les mêmes écoles. Parce qu'on n'apprend pas à lire, à écrire, et surtout à compter de la même manière. Suivant le camp dans lequel on est, N-A-I-T, ou suivant le camp dans lequel on est, E-S-T, eh bien, il faut pas compter de la même manière. Et les chiffres n'ont pas la même valeur. Ah oui. Eh oui. 29 septembre 1973, grande marche de soutien à LIP, 30 000 manifestants selon la préfecture, 100 000 selon les organisateurs. Voilà. Bon, alors moi je vous laisse trancher, choisir le chiffre que vous voulez. Sophia Aram, la liberté d'expression, c'est essentiel. La pétillante humoriste Sophia Aram sera ce samedi 22 avril à... C'est dépassé, hein. Oui, c'est le journal du mardi 18 avril. Et comme je fais les émissions un peu d'avance, ça peut pas. Bon, enfin, ça fait rien. Pétillante humoriste Sophia Aram. Pour compenser, on va passer une de ses histoires, hein. Alors, de la Louvière Épinal avec son spectacle Le Monde d'après. Un seul en scène caustique et engagé, porté par une comédienne libre dans sa tête et dans son ton. quand il s'agit de parler de son époque et de ses travers. Alors elle dit, entre autres choses, « J'ai toujours aimé la radio ». Eh bien oui, amis auditrices, amis auditeurs, vous qui aimez la radio depuis Radio Guimonzo depuis 42 ans, hein, qui s'appelait Radio Trait d'Union à l'époque, eh bien voilà, vous aimez la radio. Eh oui, moi aussi. L'école, les trois monothéismes, la montée de l'islam radical avec les attentats et la montée de l'extrême droite, la montée des populismes avec un questionnement sur la politique d'aujourd'hui, elle a la montée des sujets, on va encore loin dans la bêtise. Pour ma santé mentale, je vais voir ailleurs. Je lis à la lecture. Eh oui, la lecture, ça m'aide de se sauver un peu des radios qui sont pas libres, hein, parce que nous, notre radio à nous, elle est libre, mais les autres, pas tellement. Et puis de la télé qui n'est pas toujours libre, ou pas souvent. Il y a des chaînes qui sont pas libres du tout, hein, qui sont complètement à la botte. Et puis voilà. Il y a une situation d'urgence partout, qu'elle soit politique. Dans ma jeunesse, on était effrayés à l'idée que le FN puisse faire 15%. Aujourd'hui, Marine Le Pen est au second tour et on trouve ça normal. Voilà. Alors, continuez de militer pour la liberté d'expression, l'universalisme, la laïcité et contre tous les obscurantismes. Et les populismes, quels qu'ils soient. Alors, quel sens vous donnez au mot populisme? Bon, c'est pas sûr qu'on donne tous le même sens à ce mot-là. Hein, suivant le ton, suivant qu'on est journaliste accrédité, assermenté à la télévision, propagandiste officiel ou pas, eh bien, on donne pas le même sens. Discours parodique de Macron. Alors, je vous lis quelques passages. Depuis plusieurs mois maintenant, je me contrefous de vous, comme je l'ai toujours fait. Ma détermination est intacte à servir mes amis, les grands capitalistes. Et ce n'est pas une bande de gueux qui changera quelque chose. Croyez-le, je sais très bien que notre régime de retraite n'est aucunement en danger, mais il y a urgence. Urgence à donner des gages à mes amis financiers. Donner des gages que vous allez continuer de payer toujours plus et que pourront continuer à faire toujours plus de profits sur votre dos. Je me fiche de l'intérêt général comme de l'an 40 et j'engage ma responsabilité tout entière au service du maintien de l'exploitation capitaliste. C'est pour toutes ces raisons que je donne toute légitimité aux forces de l'ordre pour vous matraquer, vous nasser, vous gazer, vous éborgner, vous interpeller, vous condamner. Syndiqué ou non, la bande de factieux et de fainéants que vous êtes doit maintenant fermer sa grande gueule, rentrer dans le rang et aller bosser. Je resterai ferme sur le fait que la République d'aujourd'hui doit utiliser tous les moyens à sa possession pour maintenir les inégalités, quoi qu'il en coûte. Précarité, pauvreté, décès prématurés, destruction de la planète, militarisation de la société, guerre, etc. Nous devons, nous les riches, les exploiteurs, pouvoir jouir de nos richesses en toute tranquillité. Vous devez, vous les gueux, obéir. Article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Deux points, ouvrons les guillemets. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des devoirs, le plus sacré des droits, pardon, et le plus indispensable des devoirs. Alors, j'ai reçu une photo d'une affiche qui est apparue lors d'une manifestation, et sur cette affiche, il y a les photos de nos quatre députés vosgiens. Alors, il est écrit sur cette affiche, sur cette pancarte, ils sont les quatre députés des Vosges, ils ont tous, laissé passer la retraite à 64 ans. Alors, S. Viry, J. Gauthier, D. Valence, N. Négelen. Négelen, Remiremont. Valence, Saint-Dié, Gauthier, Vittel, Viry, Épinal. Hein, dans les Vosges, ça vaut bien quand même. Ah, ça, les Vosges, c'est un département très rétrograde. Eh oui. Voilà. Alors, c'était un test. Maintenant, on sait à qui on a affaire. On réagira comme on réagira. Hein? Comme vous voulez.